Troisième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Troisième partie. Cependant, ils cherchèrent des expédients pour lui sauver la vie. Ces jeunes gens, remplis de courage et de vertu, proposèrent que l'un d'eux fût s'offrir au courroux de la bête. Mais elle s'était expliquée positivement en disant qu'elle voulait une des filles, et non pas un des garçons. Ses braves frères, fâchés que leur bonne volonté ne pût avoir son exécution, firent ce qu'ils purent pour inspirer les mêmes sentiments à leur sœur. Mais leur jalousie contre la belle était suffisante pour mettre un obstacle invincible à cette action héroïque. « Il n'est pas juste, dirent-elles, que nous périssions d'une façon épouvantable pour une faute dont nous ne sommes pas coupables. Ce serait nous rendre les victimes de la belle à qui l'on serait bien aise de nous sacrifier. » Mais le devoir n'exige pas de tels sacrifices de nous. Voilà quel est le fruit de la modération et des moralités perpétuelles de cette malheureuse. Que ne demandait-elle comme nous des nippes et des bijoux? Si nous ne les avons pas eus, du moins il n'en a rien coûté pour les demander, et nous n'avons pas lieu de nous reprocher d'avoir exposé la vie de notre père par des demandes indiscrètes. Si par un désintéressement affecté, elle n'avait pas voulu se distinguer, comme elle est en tout plus heureuse que nous, il se serait sans doute trouvé assez d'argent pour la contenter. Mais il fallait que par un singulier caprice, elle fût la cause de tous nos malheurs. C'est elle qui nous les attire, et c'est sur nous qu'on veut les faire rejaillir. Nous n'en serons pas les dupes. Elle les a causés, qu'elle y mette le remède. » La belle, à qui la douleur avait presque ôté la connaissance, faisant taire ses sanglots et ses soupirs, dit à ses sœurs, « Je suis coupable de ce malheur. C'est à moi seule de le réparer. J'avoue qu'il serait injuste que vous souffrissiez de ma faute. Hélas, elle est pourtant bien innocente. Pouvais-je prévoir que le désir d'avoir une rose au milieu de l'été devait être puni par un tel supplice? Cette faute est faite. Que je sois innocente ou coupable, il est juste que je l'expie. On ne peut l'imputer à d'autres. Je m'exposerai, poursuivit-elle d'un ton ferme, pour tirer mon père de son fatal engagement. J'irai trouver la bête, trop heureuse en mourant de conserver la vie à celui de qui je l'ai reçue et de faire cesser vos murmures. Ne craignez pas que rien m'en puisse détourner. Mais de grâce, pendant ce mois, donnez-moi le plaisir de ne plus entendre vos reproches. » Tant de fermeté dans une fille de son âge les surprit beaucoup, et ses frères qui l'aimaient tendrement furent touchés de sa résolution. Elle avait pour eux des attentions infinies, et ils sentirent la perte qu'ils allaient faire. Mais il s'agissait de sauver la vie d'un père. Ce pieux motif leur ferma la bouche, et très persuadés que c'était une chose résolue, loin de penser à combattre un si généreux dessein, ils se contentèrent de répandre des larmes, et de donner à leur sœur les louanges que méritait sa noble résolution, d'autant plus grande que n'ayant que 16 ans, elle avait droit de regretter une vie qu'elle voulait sacrifier d'une façon si cruelle. Le père seul ne voulut pas consentir au dessein que prenait sa fille cadette. Mais les autres insolemment lui reprochèrent que la belle seule le touchait, que malgré les malheurs dont elle était cause, il était fâché que ce ne fût pas une de ses aînées qui payât son imprudence. De si injustes discours le forcèrent à ne plus insister. D'ailleurs, la belle venait de l'assurer que quand il n'accepterait pas l'échange, elle le ferait malgré lui, puisqu'elle irait seule chercher la bête et qu'elle se perdrait sans le sauver. « Que sait-on ? » dit-elle, en s'efforçant de témoigner plus de tranquillité qu'elle n'en avait. « Peut-être que le sort effroyable qui m'est destiné en cache un autre aussi fortuné qu'il paraît terrible. » Ses sœurs, en l'entendant parler ainsi, souriaient malicieusement de cette chimérique pensée. Elles étaient ravies de l'erreur dans laquelle elles la croyaient. Mais le vieillard, vaincu par toutes ses raisons, et se ressouvenant d'une ancienne prédiction, par laquelle il avait appris que cette fille lui devait sauver la vie et qu'elle serait la source du bonheur de toute sa famille, cessa de s'opposer à la volonté de la belle. Insensiblement, on parla de leur départ comme d'une chose presque indifférente. C'était elle qui donnait le ton à la conversation, et si, dans leur présence, elle paraissait compter sur quelque chose d'heureux, ce n'était uniquement que pour consoler son père et ses frères et ne pas les alarmer davantage. Quoique mécontente de la conduite de ses sœurs à son égard, qui paraissait comme impatiente de la voir partir et qui trouvait que le mois s'écoulait avec trop de lenteur, elle eut la générosité de leur partager tous les petits meubles et les bijoux qu'elle avait en sa disposition. Elles reçurent avec joie cette nouvelle preuve de sa générosité, sans que leur haine fût adoucie. Une extrême joie s'empara de leur cœur quand elles entendirent hennir le cheval envoyé pour porter une sœur que la noire jalousie ne leur faisait pas trouver aimable. Le père et les fils seuls affligés ne pouvaient tenir contre ce fatal moment. Ils voulaient égorger le cheval, mais la belle, conservant toute sa tranquillité, leur remontra dans cette occasion tout le ridicule de ce dessein et l'impossibilité de l'exécuter. Après avoir pris congé de ses frères, elle embrassa ses insensibles sœurs, en leur faisant un adieu si touchant qu'elle leur arracha quelques larmes et qu'elles se crurent l'espace de quelques minutes presque autant affligées que leurs frères. Pendant ces regrets courts et tardifs, le bonhomme pressé par sa fille étant monté sur son cheval, elle se mit en croupe avec le même empressement que s'il se fût agi d'un voyage fort agréable. L'animal parut plutôt voler que marcher. Cette extrême diligence ne l'incommoda point. L'allure de ce cheval singulier était si douce que la belle ne ressentit d'autre agitation que celle qui provenait du souffle des zéphyrs. En vain, sur la route, son père 100 fois lui fit offre de la mettre à terre et d'aller seul retrouver la bête. « Pense, ma chère enfant, lui disait-il, qu'il est encore temps. Ce monstre est plus épouvantable que tu ne peux l'imaginer. Quelque ferme que soit ta résolution, je crains qu'elle ne manque à son aspect. Alors il sera trop tard, tu seras perdu et nous périrons tous deux. » « Si j'allais chercher cette bête terrible, reprenait prudemment la belle, avec l'espérance d'être heureuse, il ne serait pas impossible que cet espoir ne m'abandonnât en la voyant. Mais comme je compte sur une mort prochaine, et que je la crois assurée, que m'importe que ce qui me la doit donner soit agréable ou hideux ?» En s'entretenant ainsi, la nuit vint, et le cheval ne marcha pas moins dans l'obscurité. Par le plus surprenant spectacle, elle se dissipa tout d'un coup. Ce furent des fusées de toutes façons, des pots à feu, des moulinets, des soleils, des gerbes et tout ce que l'artifice peut inventer de plus beau qui vinrent frapper les yeux de nos deux voyageurs. Cette lumière agréable et imprévue, éclairant toute la forêt, répandit dans l'air une douce chaleur qui commençait à devenir nécessaire, parce que le froid dans ce pays se fait sentir d'une façon plus piquante la nuit que le jour. À la faveur de cette charmante clarté, le père et la fille se trouvèrent dans l'avenue d'Oranger. Au moment qu'ils y furent, le feu d'artifice cessa. Sa lumière fut remplacée par toutes les statues lesquelles avaient dans leurs mains des flambeaux allumés. De plus, des lampions sans nombre couvraient toute la façade du palais. Placés en symétrie, ils formaient des lacs d'amour et des chiffres couronnés où l'on voyait des doubles LL et des doubles bébés. En entrant dans la cour, ils furent régalés d'une salve d'artillerie qui, se joignant au bruit de 1000 instruments divers, tant doux que guerriers, firent une harmonie charmante. « Il faut, dit la belle en raillant, que la bête soit bien affamée pour faire une telle réjouissance à l'arrivée de sa proie. » Cependant, malgré l'émotion que lui causait l'approche d'un événement qui, selon l'apparence, allait lui devenir fatal, en donnant toute son attention à tant de magnificences qui se succédaient les unes aux autres et lui présentaient le plus beau spectacle qu'elle eût jamais vu, elle ne put s'empêcher de dire à son père que les préparatifs de sa mort étaient plus brillants que la pompe nuptiale du plus grand roi de la terre. Le cheval fut s'arrêter au bas du perron. Elle en descendit légèrement, et son père, dès qu'il eut mis pied à terre, la conduisit par un vestibule au salon dans lequel il avait été si bien régalé. Ils y trouvèrent un grand feu, des bougies allumées qui répandaient un parfum exquis, et de plus, une table splendidement servie. Le bonhomme, au fait de la façon dont la bête nourrissait ses hôtes, dit à sa fille que ce repas était destiné pour eux, qu'il était à propos d'en faire usage. La belle n'en fit nulle difficulté, bien persuadée que cela n'avancerait pas sa mort. Au contraire, elle s'imagina que ce serait faire connaître au monstre le peu de répugnance qu'elle avait eue de le venir trouver. Elle se flatta que sa franchise serait capable de l'adoucir, et même que son aventure pourrait être moins triste qu'elle ne l'avait appréhendée d'abord. Cette bête épouvantable, dont on l'avait menacée, ne se montrait point. Tout dans le palais respirait la joie et la magnificence. il paraissait que son arrivée l'avait fait naître, et il n'était pas vraisemblable qu'elle fût les apprêts d'une pompe funèbre. Son espérance ne dura guère. Le monstre se fit entendre. Un bruit effroyable, causé par le poids énorme de son corps, par le cliquetis terrible de ses écailles et par des hurlements affreux, annonça son arrivée. La terreur s'empara de la belle. Le vieillard, en embrassant sa fille, poussa des cris perçants. Mais devenue dans un instant maîtresse de ses sens, elle se remit de son agitation. En voyant approcher la bête, qu'elle ne peut envisager sans frémir en elle-même, elle avança d'un pas ferme et d'un air modeste salua fort respectueusement la bête. Cette démarche plut au monstre. Après l'avoir considérée d'un ton qui, sans avoir l'air courroucé, pouvait inspirer de la terreur au plus hardi, il dit au vieillard « Bonsoir, bonhomme !» Et, se retournant vers la belle, il lui dit pareillement « Bonsoir, la belle !» Le vieillard, toujours appréhendant qu'il n'arrivât quelque chose de sinistre à sa fille, n'eut pas la force de répondre. Mais la belle, sans s'émouvoir, et d'une voix douce et assurée, lui dit « Bonsoir, la bête !»« Venez-vous ici volontairement ?» reprit la bête. Et consentez-vous à laisser partir votre père sans le suivre ? La belle lui répondit qu'elle n'avait pas eu d'autre intention. Hé ! Que croyez-vous que vous deviendrez après son départ ? Ce qui vous plaira, dit-elle, ma vie est en votre disposition, et je me soumets aveuglément à ce que vous ordonnerez de mon sort. Votre docilité me satisfait, reprit la bête, et puisqu'il est ainsi qu'on ne vous a point amené par force, « vous resterez avec moi. »« Quant à toi, bonhomme, » dit-elle au marchand, « tu partiras demain au lever du soleil. La cloche t'avertira. Ne tarde pas après ton déjeuner. Le même cheval te conduira chez toi. Mais, » ajouta-t-elle, « quand tu seras au milieu de ta famille, ne songe pas à revoir mon palais, et souviens-toi qu'il t'est interdit pour toujours. »« Vous, la belle, » continua le monstre en s'adressant à elle, « conduisez votre père dans la garde-robe prochaine. Choisissez-y tout ce que l'un et l'autre croiraient pouvoir faire plaisir à vos frères et à vos sœurs. Vous trouverez deux mâles. Emplissez-les. Il est juste que vous leur envoyiez quelque chose d'un assez grand prix pour les obliger à se souvenir de vous. » Malgré la libéralité du monstre, le prochain départ du père touchait sensiblement la belle et lui causait un chagrin extrême. Cependant, elle se mit en devoir d'obéir à la bête, qui les quitta après leur avoir dit, comme elle avait fait en entrant, « Bonsoir, la belle. Bonsoir, bonhomme. » Lorsqu'ils furent seuls, le bonhomme, en embrassant sa fille, ne cessa de pleurer. L'idée qu'il allait la laisser avec le monstre était pour lui le plus cruel des supplices. Il se repentait de l'avoir conduite en ce lieu. Les portes étaient ouvertes, il eût voulu la ramener, mais la belle lui fit connaître les dangers et les suites du dessein qu'il prenait. Ils entrèrent dans la garde-robe qui leur était indiquée. Ils furent surpris des richesses qu'ils y trouvèrent. Elles étaient remplies d'ajustements si superbes qu'une reine n'eût pu souhaiter rien de plus beau ni d'un meilleur goût. Jamais boutique ne fut mieux assortie. Lorsque la belle eut choisi les parures qu'elle crut les plus convenables, non à la situation présente de sa famille, mais proportionnée aux richesses et à la libéralité de la bête qui lui faisait ses dons, elle ouvrit une armoire dont la porte était de cristal de roche monté en or. À l'aspect d'un si magnifique dehors, quoiqu'elle dût s'attendre à trouver un trésor rare et précieux, elle vit un amas de pierreries de toute espèce dont à peine ses yeux purent supporter l'éclat. La belle, par un esprit de soumission, en prit sans ménagement une quantité prodigieuse qu'elle assortit des mieux à chacun des lots qu'elle avait faits. À l'ouverture de la dernière armoire, qui n'était autre chose qu'un cabinet rempli de pièces d'or, elle changea de dessin. « Je pense, » dit-elle à son père, « qu'il serait plus à propos de vider ces mâles et de les remplir d'espèces. Vous en donnerez à vos enfants ce qu'il vous plaira. Par ce moyen, vous ne serez pas obligé d'avoir personne dans votre secret, et vos richesses seront à vous sans danger. » l'avantage que vous tireriez des pierreries, quoique le prix en soit beaucoup plus considérable, ne pourrait jamais vous être si commode. Pour en jouir, vous seriez forcé de les vendre et de les confier à des personnes qui ne jetteraient sur vous que des yeux d'envie. Votre confiance même vous deviendrait peut-être fatale, et des pièces d'or monnayées vous mettront, continua-t-elle, à l'abri de tout fâcheux événement, en vous donnant la facilité d'acquérir des terres, des maisons et d'acheter des meubles précieux, des bijoux et des pierreries. Le père approuva sa pensée, mais voulant porter à ses filles des parures et des ajustements, pour faire place à l'or qu'il voulait prendre, il ôta des malles ce qu'il avait choisi pour son usage. La grande quantité d'espèces qu'il y mit ne les remplissait point. Elles étaient composées de plis qui se relâchaient à mesure. Il trouva de la place pour les bijoux qu'il avait ôtés, et ces malles enfin contenaient plus qu'il ne voulait. « Tant d'espèces, disait-il à sa fille, me mettront en état de vendre mes pierreries à ma commodité. Suivant ton conseil, je cacherai mes richesses à tout le monde, et même à mes enfants. S'ils me savaient aussi riche que je le vas être, ils me tourmenteraient pour abandonner la vie champêtre, qui cependant est la seule où j'ai trouvé de la douceur, et où je n'ai pas éprouvé la perfidie des faux amis dont le monde est rempli. » Mais les malles étaient d'une si grande pesanteur qu'un éléphant eût succombé sous le poids, et l'espoir dont il venait de se repaître lui parut comme un songe, et rien de plus. « La bête s'est moquée de nous, dit-il. Elle a faim de me donner des biens qu'elle me met dans l'impossibilité d'emporter. » « Suspendez votre jugement, répondit la belle. Vous n'avez point provoqué sa libéralité par aucune demande indiscrète, ni par aucun regard avide et intéressé. La raillerie serait fade. Je pense, puisque le monstre vous a prévenu, qu'il trouvera bien le moyen de vous en faire jouir. Nous n'avons qu'à fermer les malles et les laisser ici. Apparemment qu'il sait par quelle voiture vous les envoyez. » On ne pouvait penser plus prudemment. Le bonhomme, se conformant à cet avis, rentra dans le salon avec sa fille. Assis l'un et l'autre sur un sofa, ils virent dans un instant le déjeuner servi. Le père mangea de meilleur appétit qu'il n'avait fait le soir précédent. Ce qui venait de se passer diminuait son désespoir et faisait renaître sa confiance. Il serait parti sans chagrin si la bête n'eût point eu la cruauté de lui faire entendre qu'il ne songea plus à revoir son palais et qu'il fallait qu'il dît à sa fille un éternel adieu. On ne connaît de mal sans remède que celui de la mort. Le bonhomme ne fut point absolument frappé de cet arrêt. Il se flattait qu'il ne serait pas irrévocable, et cette espérance le fit partir assez content de son hôte. Fin de la troisième partie de La Belle et la Bête, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en septembre 2009.